Chapitre 30e. Retour au foyer paternel. Mrs. Thornton vint en effet voir Mrs. Hale le lendemain matin. Cette dernière était beaucoup plus mal. Un changement subit s'était opéré chez elle. Elle avait fait, dans l'espace d'une nuit, un grand pas vers la mort, et sa famille fut effrayée de l'expression morbide répandue sur ses traits par quelques heures de souffrance. Mrs. Thornton elle-même, qui ne l'avait pas vue depuis plusieurs semaines, éprouva en la voyant un mouvement de sympathique pitié. Elle était venue parce que son fils le lui avait demandé comme une faveur personnelle, mais tous les sentiments amers de son âpre nature étaient en hostilité sourde contre cette famille dont Marguerite faisait partie. Elle doutait, avant de partir, de la réalité de la maladie de Mrs. Hale. Elle croyait que le désir de la voir était, de la part de cette dame, une fantaisie du moment, un caprice de petite maîtresse, pour la satisfaction duquel il lui fallait renoncer au plan d'occupation qu'elle s'était tracé pour la journée. Elle avait dit à son fils qu'elle aurait voulu que ces gens n'eussent jamais mis le pied dans Milton, et surtout qu'ils n'eussent jamais fait leur connaissance. Elle ajoutait qu'elle ne savait pourquoi on avait inventé des choses aussi inutiles que le grec et le latin. Il avait tout écouté assez patiemment, mais quand elle avait eu terminé ses invectives contre les langues mortes, il lui avait réitéré l'expression brève mais énergique de son désir qu'elle allait voir Mrs. Hale, à l'heure indiquée comme devant être plus commode à la malade. Mrs. Thornton se soumit d'aussi mauvaise grâce que possible à ce qu'exigeait son fils, mais tout en murmurant, elle ne l'en aimait que davantage pour le lui avoir demandé, il s'exagérait l'idée qu'il avait lui-même de la vertu extraordinaire qui le portait à s'occuper de la famille Hale avec un soin si persévérant. La bonté de son fils, qui allait jusqu'à la faiblesse, comme toutes les vertus aimables, selon elle, le peu de considération qu'elle avait pour Mr. et Mrs. Hale, et son aversion positive pour Marguerite, voilà les pensées qui occupaient l'esprit de Mrs. Thornton pendant le trajet. Mais tout cela disparut bientôt lorsqu'elle vit l'ombre répandue sur la malade par les sombres ailes de l'ange de la mort. Là était une pauvre femme, une mère comme elle, beaucoup plus jeune qu'elle, étendue sur le lit de douleur, dont il n'y avait nul espoir qu'elle pût jamais se relever. Pour elle, le jour et la nuit n'étaient déjà plus. Dans cette chambre, volet fermé, elle n'avait plus aucune liberté d'action. À peine pouvait-elle se retourner dans son lit. De temps en temps, quelques mots prononcés à voix basse, puis un silence complet, voilà tout ce qui, du monde extérieur, parvenait jusqu'à ses oreilles. Quand Mrs. Thornton, forte et pleine de santé, entra, Mrs. Hale resta immobile, bien que l'expression de son pâle visage montrât clairement qu'elle savait qui était là. Mais elle fut une ou deux minutes sans pouvoir ouvrir les yeux. Des larmes humectaient ses paupières fermées. Enfin, elle jeta un regard vers la visiteuse, puis, avançant sa main amaigrie sur la couverture pour prendre celle de Mrs. Thornton, elle prononça quelques mots d'une voix éteinte. Mrs. Thornton fut obligée de se pencher vers elle pour les saisir. « C'est pour Marguerite. Vous aussi, vous avez une fille. Ma sœur est en Italie. Mon enfant va se trouver sans mère, loin de son pays. Si je meurs, voulez-vous ?» Et ses yeux, qui erraient dans le vague, se fixèrent alors avec une expression d'intense prière sur le visage de Mrs. Thornton, dont les traits gardèrent d'abord toute leur rigidité, et si les yeux de la pauvre malade n'eussent été obscurcis par les larmes, elle aurait pu voir un sombre nuage traverser la physionomie de celle qu'elle implorait. Et ce ne fut pas la pensée de son fils, ni celle de sa fille Fanny, qui ébranla enfin le cœur de Mrs. Thornton, mais le souvenir soudain évoqué par quelques dispositions insignifiantes des meubles de la chambre, qui lui rappela une petite fille qu'elle avait perdue en bas âge, bien des années auparavant. Et ce souvenir, comme un trait de flamme, fondit l'enveloppe de glace sous laquelle battait pourtant son cœur. « Vous voulez que je sois une amie pour Miss Hale ?» dit-elle enfin de sa voix mesurée, qui ne s'était pas adoucie, mais dont les sons tombaient de ses lèvres clairs et distincts. Mrs. Hale, les yeux toujours fixés sur le visage de Mrs. Thornton, pressa pour toute réponse la main qui se trouvait encore sous la sienne. Mrs. Thornton soupira. « Je serai pour elle une amie sincère, » continua-t-elle, « si les circonstances l'exigent. Je ne dirai pas une tendre amie, je ne puis l'être. » Elle allait ajouter « pour elle », mais elle s'arrêta, émue de compassion par le regard éteint de la pauvre mourante. « Il n'est pas dans ma nature d'exprimer l'affection, même lorsque je la ressens. et en général je n'aime pas à donner des conseils. Cependant, à votre prière, et si cela peut être une consolation pour vous, je vous promets... » Ici, elle s'arrêta, car elle était trop consciencieuse pour promettre ce qu'elle ne voulait pas tenir, et promettre d'avoir des bontés pour Marguerite, qu'elle haïssait en ce moment plus que jamais, était difficile, presque impossible. « Je promets, » dit-elle avec une gravité sévère, qu'après tout inspira de la confiance à la malade, et qu'il lui fit paraître l'assurance ainsi donnée comme quelque chose de plus stable que la vie elle-même, cette vie si changeante et si passagère. « Je vous promets que si Miss Hale se trouve dans quelque peine ou quelque embarras, appelez-la Marguerite, » fit Mrs. Hale avec effort, « et qu'elle vienne me demander aide et conseils. Je l'aiderai de tout mon pouvoir et comme si elle était ma propre fille. Je vous promets aussi que si je lui vois faire quelque chose qui me paraisse mal... » « Mais Marguerite ne fait jamais rien de mal. Jamais elle n'a eu un tort volontaire, » soupira Mrs. Hale. Mrs. Thornton continua comme si elle n'avait point entendu. « Quelque chose qui me semble répréhensible et qui ne concerne ni moi ni les miens, car dans ce cas on pourrait supposer que j'agis pour un motif intéressé, je l'avertirai sincèrement et fidèlement, comme je voudrais qu'on avertît ma propre fille. » Puis il y eut un long silence. Mrs. Hale sentait que cette promesse ne renfermait pas tout, et cependant c'était beaucoup. Il y avait des réserves qu'elle ne comprenait pas, mais peut-être était-ce parce qu'elle était faible, fatiguée et abattue. Mrs. Thornton repassait dans son esprit tous les cas probables pour lesquels elle s'était engagée. Elle éprouvait une sorte de joie sauvage à l'idée de dire à Marguerite de dures vérités en ayant l'air d'accomplir un devoir. Mrs. Hale parla la première. « Je vous remercie, et je prie Dieu de vous bénir. Je ne vous reverrai plus dans ce monde, mais voici mes dernières paroles. Merci de la promesse de vos bontés pour ma fille. » « Non, pas de bonté, » laissa échapper Mrs. Thornton, rudement sévère jusqu'au bout. Mais ayant soulagé sa conscience par ces paroles, elle ne fut pas fâchée que la malade ne les eût pas entendues. Elle pressa la main tiède et moite de Mrs. Hale, se leva et sortit de la maison sans avoir vu personne. Pendant que l'entrevue que nous venons de raconter avait lieu, Marguerite et Dixon se concertaient sur les meilleurs moyens à prendre pour tenir secrète aux gens du dehors l'arrivée de Frédéric. On attendait à chaque instant une lettre de lui, et bien certainement il suivrait de près sa missive. Il fallait envoyer Marthe en congé. Dixon devait faire exacte sentinelle à la porte de la rue et n'admettre les visiteurs qui se présenteraient que dans une salle basse à l'usage de Mr. Hale. La grave maladie de Mrs. Hale justifiait d'ailleurs cette dernière précaution. Si on prenait Mary Higgins pour aider Dixon à la cuisine, elle devait voir et entendre Frédéric le moins possible, et s'il était nécessaire de parler de lui, on le désignerait sous le nom de Mr. Dickinson. Mais la nature apathique de la jeune fille était la meilleure sauvegarde contre sa curiosité. Il fut décidé que Marthe partirait ce jour-là même pour aller voir sa mère. Marguerite regrettait qu'on ne lui eût pas envoyé la veille. Elle craignait qu'on ne trouve étrange qu'une domestique s'absentât juste au moment où l'état de sa maîtresse devenant plus grave, elle avait nécessairement besoin de plus de soins. Pauvre Marguerite. Elle eut tout ce jour-là à remplir le rôle de cette fille romaine, qui nourrissait de son lait son père captif. Il lui fallait prendre sur son courage défaillant pour fortifier le cœur de l'auteur de ses jours. Mr. Hale, entre chacun de ses mieux qui reviennent dans le cours des plus graves maladies, se laissait aller à l'espoir et croyait que ce mieux était l'avant-coureur de la guérison. Mais, comme les crises en se succédant devenaient plus fréquentes et plus graves, chacune d'elles lui amenait un cruel désappointement et d'amères angoisses. Cet après-midi, ne pouvant supporter la solitude de son cabinet, ni s'occuper d'aucune étude, il se rendit au salon, et s'asseyant devant une table et y appuyant ses deux coudes, il ensevelit sa tête dans ses deux mains. Le cœur de Marguerite était navré, mais comme son père gardait le silence, elle s'abstint de lui parler elle-même. Marthe était partie, Mrs. Hale sommeillait, et Dixon veillait près d'elle. On n'entendait pas le plus léger bruit dans toute la maison, et la nuit vint sans que personne songeât à se procurer de la lumière. Marguerite était assise près de la fenêtre. Son œil distrait regardait sans les voir les réverbères qui s'allumaient dans la rue. Elle entendait seulement le bruit des profonds soupirs de son père. Elle n'osait aller chercher de la lumière, de peur que la contrainte tacite que sa présence exerçait sur Mr. Hale venant à cesser, il ne se laissa aller à une émotion plus violente en son absence. À la fin, elle pensa qu'il fallait pourtant qu'elle se rendît à la cuisine pour certains détails dont elle s'était chargée, lorsque la sonnette emmaillotée fut tirée de l'extérieur avec tant de force que les fils d'Archal en résonnèrent par toute la maison, bien que la sonnette elle-même ne donnât qu'un faible son. Marguerite tressaillit. Elle se leva aussitôt, passa devant son père, qui n'avait fait aucune attention au bruit. Puis, revenant sur ses pas, elle l'embrassa tendrement. Il ne bougea pas et ne parut pas seulement sentir ce baiser filial. Elle descendit alors doucement et alla à la porte sans lumière. Dixon, elle, aurait attaché la chaîne de sûreté avant d'ouvrir. Mais dans l'esprit bourrelé de Marguerite, il n'y avait pas de place pour la peur. Un homme de taille élevée était entre elle et la rue éclairée. Il regardait en dehors, mais au bruit que fit la porte en s'ouvrant, il se retourna vivement. « N'est-ce pas ici que demeure Mr. Hale ? » demanda-t-il d'une voix claire, sonore, mais qui ne manquait pourtant pas de douceur. Cette voix rendit Marguerite toute tremblante. Elle ne répondit pas tout de suite, mais au bout d'un moment, elle dit avec élan, bien qu'à voix basse, « Frédéric !» Puis elle avança ses deux mains pour attirer son frère à elle et le faire entrer, et referma vivement la porte. « Oh, Marguerite !» dit à son tour le jeune homme, après avoir embrassé sa sœur, et la tenant à distance en face de lui, en mettant ses mains sur ses épaules, comme si, malgré l'obscurité, il pouvait lire dans ses traits une réponse plus prompte que la parole. « Marguerite, ma mère vit-elle encore ?»« Oui, mon frère, mon cher frère, elle vit. Elle est très mal, mais elle vit encore. »« Oh, merci, mon Dieu !» s'écria-t-il. « Mon père est anéanti par la douleur. » « Vous m'attendiez, n'est-ce pas ?»« Non, nous n'avons pas eu de réponse de toi. »« Alors j'arrive avant ma lettre, mais ma mère sait que je viens. »« Oh, nous savions tous que tu viendrais, mais attends un instant. Entre ici, donne-moi la main. »« Qu'est-ce que je sens là ?»« Ah, c'est ton sac de voyage. » Dixon a fermé les volets, de sorte qu'il fait nuit comme dans un four. « Mais nous sommes dans le cabinet de mon père. »« Tiens, assieds-toi là, sur cette chaise. » et repose-toi tandis que je vais avertir papa. » Elle chercha à tâtons les allumettes chimiques et une petite bougie. Elle se sentit subitement intimidée lorsque la lumière se fit. Néanmoins, elle regarda son frère. Tout ce qu'elle put remarquer, c'est que son teint avait considérablement bruni, et elle vit une paire de magnifiques yeux bleus et remarquablement bien fendus s'attacher sur les siens. Puis, ces mêmes yeux prirent une singulière expression indiquant la conscience d'une mutuelle inspection. Ils n'échangèrent pas une parole. Seulement Marguerite, à première vue, sentit qu'elle aimerait son frère pour lui-même autant qu'elle l'aimait déjà à cause de l'approche parenté qui les unissait. Elle le laissa pour aller trouver son père. Mais combien son cœur battait plus léger en remontant l'escalier. Et pourtant, la situation était toujours la même. Le chagrin n'était pas diminué. Mais il lui semblait moins lourd maintenant qu'elle avait, pour le supporter avec elle, un être qu'il frappait exactement dans la même mesure et dont les liens envers la malade étaient les mêmes que les siens. Le découragement de son père ne l'effrayait plus. Elle le retrouva dans la même attitude, mais elle apportait avec elle un charme qui pourrait l'en faire sortir. Peut-être, dans le premier mouvement de sa joie, n'employait-elle pas assez de ménagement. « Papa !» dit-elle en passant tendrement ses bras autour du cou de son père et relevant avec une douce violence sa tête appuyée dans ses mains, de manière à ce qu'il pût lire dans ses yeux, épuiser la force et l'assurance dont elle se sentait elle-même animée. « Papa, devinez qui est ici. » Il la regarda. Elle vit qu'un rayon de la vérité traversait son esprit, mais qu'il l'en chassait aussitôt comme une folle imagination. Il courba de nouveau la tête et se remit le visage dans les mains comme auparavant. Elle l'entendit murmurer quelques paroles. Elle se baissa pour pouvoir les entendre. « Je ne sais pas. Ne me dis pas que c'est Frédéric. Oh non, ce n'est pas Frédéric. Je ne pourrais supporter cette émotion. Je suis trop faible. Et sa pauvre mère est mourante. » Il se mit à pleurer et à se lamenter comme un enfant. C'était si différent de ce que Marguerite attendait et espérait qu'elle sentit son cœur défaillir sous le coup du désappointement. Elle se tut pendant quelques minutes. Enfin, elle reprit la parole, non pas comme tout à l'heure d'un air de triomphe, mais avec plus de tendresse et de sollicitude. « Papa, c'est Frédéric. Pensez à maman. Quelle joie cela va lui causer. pour elle surtout, combien nous devons nous en réjouir, et pour lui aussi, votre pauvre enfant. » Son père ne changeait toujours pas d'attitude, mais il semblait commencer à mieux comprendre. « Où est-il ? » demanda-t-il enfin, le visage toujours caché dans ses mains. « Il est dans votre cabinet, tout seul. J'allumais une petite bougie et je suis vite accouru pour vous avertir. Il est tout seul et il doit s'étonner que... « Je descends !» interrompit le père. Puis il se leva et s'appuya sur sa fille comme pour lui demander de lui servir de guide. Marguerite le conduisit jusqu'à la porte de son cabinet, mais elle était si émue qu'elle ne se sentit pas la force d'assister à l'entrevue du père et du fils. Elle remonta l'escalier à la hâte et s'en fut dans sa chambre, où elle se mit à pleurer de tout son cœur. C'était la première fois depuis bien des jours qu'elle se donnait ce soulagement. L'effort avait été terrible, elle le sentait bien alors. Mais Frédéric était là, lui, le frère tant chéri, tant désiré, si précieux à toute la famille. Il était là, en sûreté et sous le toit paternel. Elle pouvait à peine croire ce bonheur. Elle cessa ses sanglots, ouvrit la porte de sa chambre. Elle n'entendit aucun bruit et craignit d'avoir fait un rêve. Elle descendit et alla écouter à la porte du cabinet de son père. Le son de deux voix parvint à son oreille. C'en était assez pour la rassurer. Elle se rendit d'un pas léger dans la cuisine, ranima le feu, alluma les lumières et prépara le repas du voyageur. Quel bonheur que sa mère ne se fût pas réveillée. Elle dormait encore, car il n'y avait pas de lumière dans sa chambre et le bougeoir était à la porte. Frédéric aurait le temps de manger, de se reposer, et la première émotion de son entrevue avec son père serait dissipée avant que sa mère ne soupçonnât qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire au logis. Lorsque tout fut prêt, Marguerite ouvrit la porte et, remplissant l'office d'une domestique, elle entra, tenant un large et lourd plateau sur ses deux bras tendus. Elle était fière et heureuse de servir Frédéric. Lui, sitôt qu'il la vit, s'élança à sa rencontre et la débarrassa de son fardeau. C'était pour Marguerite un symbole de tous les soulagements que la présence de ce frère bien-aimé lui apportait. Ils se mirent tous deux à arranger la table, parlant peu. Mais leurs mains se rencontraient, et leurs yeux se disaient mille choses dans ce langage muet et expressif, si intelligible à ceux qui sont du même sang. Le feu s'était éteint, et Marguerite voulut le rallumer, car les soirées commençaient à devenir froides. Elle n'y parvint pas aussi promptement qu'elle l'aurait voulu. Dixon dit que l'art d'allumer du feu est un don naturel et qui ne peut s'acquérir. « Bonne vieille Dixon, comme nous allons nous embrasser, » dit Frédéric. Elle m'embrassait toujours autrefois, puis elle me regardait en face pour s'assurer que c'était bien moi, puis me rembrassait encore. « Mais, ma chère Marguerite, comme tu t'y prends mal, je n'ai jamais vu d'aussi jolies petites mains avoir moins de succès dans une entreprise quelconque. Va-t'en vite les laver. Tiens-toi prête à me couper des tartines beurrées. » Et laisse la cheminée en repos, je m'en charge. Allumer le feu est un de mes dons naturels. » Et Marguerite s'en alla. Puis elle revint. Puis elle passa et repassa dans l'appartement, avec une agitation joyeuse qui ne lui permettait pas de rester assise. Plus Frédéric lui demandait de service, plus elle était contente, et lui le comprenait d'instinct. C'était une joie dérobée au deuil qui les attendait, et ils se hâtaient peut-être davantage de la goûter, parce qu'ils sentaient au fond de leur cœur qu'un malheur irréparable allait bientôt en tarir la source. Vers le milieu du repas, on entendit Dixon descendre l'escalier. Mr. Hale tressaillit et se leva du grand fauteuil où il était nonchalamment étendu, regardant ses enfants, comme s'il jouait quelques proverbes du bonheur, charmant à voir représenté, mais à ses yeux loin d'être réel, et auxquels il ne prenait part que comme spectateur. Il alla se placer devant la porte, montrant une si étrange et soudaine anxiété, un tel désir de soustraire Frédéric au regard de la personne qui allait entrer, fût-ce même la fidèle Dixon, qu'un frisson traversa le cœur de Marguerite et lui rappela les dangers que courait son frère. Elle se saisit de son bras qu'elle tint serré de toute sa force, tandis qu'une pensée sinistre lui faisait froncer les sourcils et grincer les dents. Et pourtant, elle savait que c'était le pas calme et mesuré de Dixon. Elle l'entendit traverser le corridor, entrer dans la cuisine. Elle se leva. « Je vais aller le lui dire, et je saurai comment se trouve maman. » Mrs. Hale était réveillée. Elle délirait légèrement, et quand on lui fait prendre un peu de thé, elle se trouva mieux, mais peu disposée à parler. on jugea qu'il valait mieux laisser passer la nuit avant de lui apprendre l'arrivée de son fils. La visite du docteur Donaldson, qu'on attendait, amènerait bien assez d'agitation nerveuse pour cette soirée, et on pourrait le consulter sur la manière dont il fallait la préparer à voir Frédéric, qui, étant dans la maison, se trouvait toujours prêt à paraître au premier avertissement. Marguerite ne pouvait rester en repos. Il fallut qu'elle aide à Dixon dans tous ses préparatifs pour mettre Frédéric. Il lui semblait que rien ne pouvait désormais la fatiguer. Chaque coup d'œil qu'elle jetait dans la pièce où il était assis, causant avec son père, n'importe sur quel sujet, cela lui importait peu, lui donnait une force nouvelle. Son tour viendrait aussi de lui parler et de l'écouter. Et il en était trop bien assuré pour se presser de l'accaparer à présent. Il lui suffisait de le sentir là. Elle avait examiné sa personne et son extérieur lui plaisait. Il avait des traits excessivement délicats et qu'on aurait pu trouver féminins sans la teinte embrunie de sa peau et la mâle vivacité de son regard. L'expression de ses yeux était habituellement gaie, mais par moments cette expression ainsi que celle de sa bouche changeait si subitement et donnait tellement l'idée d'une violence passionnée que Marguerite en était presque effrayée. Mais ce regard n'était que passager. Il n'avait rien de méchant ni de vindicatif. C'était plutôt l'éclair violent qui traverse la physionomie de tous les habitants des pays méridionaux. Cet éclair qui relève encore le charme de la douceur presque enfantine dans laquelle ils se font parfois. Marguerite pouvait craindre pour son frère lui-même de la violence de la nature passionnée qui se révélait ainsi. Mais elle n'en redoutait rien pour elle et rien dans le caractère de ce frère nouvellement retrouvé ne lui inspirait ni défiance ni éloignement. Au contraire, ses relations avec lui semblèrent dès l'abord devoir être particulièrement douces et affectueuses. Elle sentit alors, par le délicieux soulagement que procura à son esprit la présence de Frédéric, toute la responsabilité qui avait pesé sur elle en son absence. Il comprenait parfaitement son père et sa mère, leur caractère et leurs faiblesses, et agissait à leur égard avec une liberté en apparence insoucieuse sous laquelle se cachait le soin le plus délicat de ne rien faire qui pût blesser ou heurter leurs opinions. Il semblait deviner d'instinct quand un peu de sa vivacité naturelle ne serait pas en désaccord avec la tristesse profonde de son père ou soulagerait pour un moment les souffrances de sa mère. Aussitôt que cette vivacité devenait intempestive, elle se changeait en un dévouement patient et une surveillance attentive qui faisait de lui une admirable garde-malade. Puis, Marguerite était touchée jusqu'aux larmes des allusions fréquentes qu'il faisait à leurs jeunes années, à la forêt neuve, à Hailstone. Il n'avait oublié ni sa patrie ni sa famille, au milieu de ses courses lointaines, dans des contrées et parmi des nations étrangères. Elle pouvait lui parler du lieu de leur naissance, sans crainte de le fatiguer jamais. Elle le redoutait un peu avant son arrivée, même au moment où elle le désirait le plus. Elle sentait que 7 ou 8 années avaient produit de grands changements en elle. Elle en concluait que, si ses goûts et ses idées avaient subi de si grandes modifications, à elle qui n'avait jamais quitté le sol natal, la carrière aventureuse de son frère, dont elle ne connaissait pas les détails, avait dû opérer une bien plus grande métamorphose chez lui et substituer un nouveau Frédéric à l'adolescent en uniforme de midshipman qu'elle regardait jadis avec une sorte d'admiration respectueuse. Mais, pendant l'absence, leurs âges s'étaient rapprochés et leurs sentiments encore plus. Aussi, les craintes de Marguerite furent-elles cette fois changées en une délicieuse surprise. La présence de Frédéric était maintenant le seul point brillant de son existence. La pauvre mère éprouva un mieux sensible de quelques heures à la vue de son fils. Elle tenait sa main dans les siennes et ne voulait pas la laisser aller même pendant qu'elle dormait, et Marguerite fut obligée de faire manger son frère comme un enfant pour ne pas l'exposer à réveiller sa mère en retirant la main que les doigts de cette dernière serraient tout en sommeillant. Mrs. Hale s'éveilla tandis qu'ils étaient ainsi occupés, retourna lentement sa tête sur l'oreiller et sourit à ses enfants, car elle comprit et leur action et le motif qui les avait fait agir ainsi. « Je suis bien égoïste, n'est-ce pas ? » dit-elle, « mais ce ne sera pas long. » Frédéric se pencha sur elle et baisa la main affaiblie qui retenait la sienne captive. Cet état de tranquillité ne pouvait durer. Tout au plus, continuerait-il quelques jours, peut-être seulement quelques heures, à ce que dit à Marguerite le docteur Donaldson. Après le départ du bon docteur, elle alla trouver Frédéric, qu'on avait supplié de rester caché pendant la visite du médecin dans la chambre du fond où couchait habituellement Dixon, mais que cette dernière lui avait cédé. Marguerite lui répéta ce qu'avait dit le médecin. « Je ne le crois pas, » s'écria-t-il. « Elle est très malade, dangereusement malade même, et peut-être dans un péril immédiat. Mais je ne puis croire qu'elle serait aussi calme s'il était sur le point de mourir. Marguerite, il faudrait avoir une consultation de quelques médecins de Londres. N'y avez-vous jamais pensé ?»« Si, » répondit Marguerite, « j'y réfléchis plus d'une fois. Mais je ne crois pas que cela puisse servir à rien. D'ailleurs, vous savez que nous ne sommes pas assez riches pour faire venir de Londres un grand médecin, et certainement il faudrait un prince de la science pour être supérieur au docteur Donaldson, si même il ne vaut pas mieux que tous. » Frédéric se mit à marcher impatiemment dans la chambre. « J'ai du crédit à Cadiz, » dit-il, « mais je n'en ai aucun ici, grâce à ce maudit changement de nom. Pourquoi mon père a-t-il quitté Helstone? Voilà la grande faute. » « Non, ce n'a pas été une faute, » fit tristement Marguerite. « Et par-dessus toute chose, évite de témoigner jamais cette opinion à mon père. Je vois bien qu'il est tourmenté lui-même de l'idée que maman ne serait pas tombée malade si nous étions restés à Helstone. Et tu ne sais pas à quel degré mon père peut souffrir des reproches qu'il se fait à lui-même. » Frédéric marchait toujours comme s'il était sur le pont d'un vaisseau de guerre. À la fin, il s'arrêta court en face de Marguerite et contempla pendant quelques instants l'attitude désolée et l'air de découragement de sa sœur. « Allons, ma petite Marguerite, » lui dit-il en l'embrassant. « Espérons tant que nous pourrons. Pauvre petite, ses joues sont trempées de larmes. J'espère moi, et j'espérerai en dépit de 1000 docteurs. Allons, Marguerite, du courage, et la force d'espérer. » Marguerite fit de vains efforts pour parler. À la fin, elle dit d'une voix étouffée, « Il faut que j'essaie d'avoir confiance en Dieu, oh Frédéric. Maman commençait à m'aimer si tendrement, et moi je commençais à la comprendre. Et maintenant, voici la mort qui vient nous séparer. Allons, allons, montons là-haut et faisons quelque chose d'utile, plutôt que de perdre en vain raisonnement un temps qui peut être précieux. Réfléchir m'a souvent rendu triste, ma chérie, mais agir, jamais. » Toute ma théorie est une espèce de parodie de cette maxime. Gagnez de l'argent, mon fils. Gagnez-en honnêtement, si vous pouvez, mais surtout, gagnez-en. Moi, je dis, fais quelque chose, ma sœur, quelque chose d'utile, si cela se peut, mais enfin, fais quelque chose. Quand ce devrait être du mal, dit Marguerite, souriant faiblement à travers ses larmes. Certainement. Ce que je hais, surtout, c'est le remords. Passez l'éponge sur vos méfaits, si vous avez la conscience chatouilleuse, en faisant quelque bonne œuvre le plus tôt possible. Juste ainsi que nous faisions au collège, quand sur nos ardoises nous mettions une addition correcte par-dessus une mauvaise règle. Cela vaut mieux que de la mouiller de nos larmes. Cela perdait moins de temps, car souvent les larmes sont dures à venir, et nous obtenions en définitive un bien meilleur résultat. Si Marguerite trouva d'abord la théorie de Frédéric un peu hasardée, elle vit qu'elle le conduisait constamment à tâcher de se rendre utile. Après une mauvaise nuit passée auprès de sa mère, car il avait insisté pour veiller près d'elle à son tour, il s'occupa, le lendemain matin, à organiser une sorte de lit de camp pour Dixon, qui commençait à se trouver très fatigué de ses veilles prolongées. Pendant le déjeuner, il chercha à distraire Mr. Hale par une description vive et animée de la vie qu'il avait menée au Mexique, dans l'Amérique du Sud et ailleurs. Marguerite, elle, eut renoncé à sortir Mr. Hale de son profond abattement. Ce même abattement l'aurait même gagné et l'aurait rendu incapable de parler. Mais Frédéric, fidèle à sa théorie, faisait perpétuellement quelque chose, et pendant le déjeuner, que pouvait-on faire tout en mangeant, sinon parler? Avant la nuit de ce même jour, l'opinion du docteur Donaldson se trouva fatalement réalisée. La malade fut prise de convulsions à la suite desquelles elle perdit connaissance. En vain son mari était à son chevet, ébranlant le lit par la violence de ses sanglots. En vain son fils la soulevait à chaque instant dans ses bras robustes pour lui trouver une position plus commode. En vain les mains de sa fille bassinaient doucement et incessamment son visage d'un cordial spiritueux. Elle ne les reconnaissait plus. Elle ne devait plus les reconnaître que là-haut. Avant l'aube du jour, tout était fini. Marguerite s'arracha sa douleur pour devenir l'ange de consolation et adoucir le désespoir de son père et de son frère. Toute la force de Frédéric l'avait abandonnée et ses théories ne lui étaient plus d'aucun secours. Il pleura avec tant de violence, lorsqu'il fut seul le soir dans sa petite chambre, que Marguerite et Dixon vinrent tout effrayés le supplier de se calmer, car les murs de l'habitation étaient minces et les voisins d'à côté auraient pu entendre ces sanglots passionnés de la jeunesse, si différents de l'expression plus contenue de la douleur, alors qu'un âge plus avancé nous a familiarisés avec elle, et que nous n'osons nous révolter contre l'arrêt inexorable de la mort par respect pour la main qui l'a portée. Marguerite veillait avec son père dans la chambre mortuaire. Elle aurait voulu le voir pleurer, mais il se tenait en silence auprès du lit, sans faire aucun mouvement. De temps en temps, pourtant, il découvrait le visage de la défunte, le caressait doucement et faisait entendre un espèce de gémissement inarticulé, à la manière des animaux lorsqu'ils caressent leurs petits. Il ne semblait pas s'apercevoir de la présence de Marguerite. Une fois ou deux, elle vint l'embrasser. Il se laissait faire, puis ensuite la repoussait doucement, comme si son affection venait le troubler dans la contemplation de la mort. Il tressaillit lorsqu'il entendit les cris de Frédéric, et secouant la tête, « Pauvre enfant, pauvre enfant !» dit-il. Puis il ne s'occupa plus de son fils. Le cœur de Marguerite saignait. Elle oubliait sa propre perte en songeant à celle de son père. La nuit touchait à son terme, et le jour s'avançait lorsque, sans préparation aucune, la voix de la jeune fille rompit le silence qui régnait dans l'appartement funèbre, avec un son si distinct et si clair qu'elle-même en tressaillit. « Que votre cœur ne soit ni troublé ni épouvanté, » disait le texte sacré sur lequel étaient tombés les yeux de Marguerite, et elle le répétait presque à son insu. Puis elle acheva tout haut et d'un ton ferme tout ce chapitre d'ineffable consolation.